faire plein de choses, mais j'ai pas l'envie. Je pourrais faire plein de choses, mais j'ai pas l'envie. Est-ce que tu m'aimeras si je reste là, affalé sur le sofa, à regarder la vie qui s'en va, qui file entre mes doigts. Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu m'aimeras? Si tu ne m'admires pas, si tu t'ennuies avec moi, si tu ne veux pas sentir la vie qui s'en va. Je pourrais faire plein de choses, mais j'ai pas envie. Je pourrais faire plein de choses, mais j'ai pas envie. J'ai des rêves dans la tête, je rêve tous les jours. Je regarde les nuages qui s'en vont. Où vont-ils? Je ne le sais pas. Resteras-tu avec moi si on ne va jamais au Canada? Si on ne va jamais à Canberra? Si on ne va pas non plus à Nouméa? On reste juste là. Au pire, on peut partir pour Hiroshima. J'ai plus le courage de regarder dehors. J'ai plus le courage de regarder dehors. Par la fenêtre brûle le monde. Il ne va pas bien. Les bras m'en tombent. Je ne suis bien que dans les tiens. Dis-moi que tu m'aimeras. Dis-moi que tu m'aimeras. Même si tu m'admires pas. Même si tu t'ennuies avec moi. Si tu sens chaque seconde la vie qui s'en va. Resteras-tu avec moi si on ne va jamais au Canada? Si on ne va jamais à Canberra? Si on ne va pas non plus à Nouméa? Si on reste juste là? Au pire, on peut partir pour Hiroshima. Faire plein de choses, donne-moi l'envie. Il y a tant à faire, il y a tant à faire. Tant de champs en jachère qui attendent les couleurs. Le vert, rouge et or. Dis-moi que tu m'aimeras. Dis-moi que tu m'aimeras. Je ne pourrais me passer de ta voix, je pourrais me passer de te voir.